Bonjour mes frères et sœurs, nous allons continuer notre étude du chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens. Notre bon Père du ciel, il y a tellement de vérités qui te concernent, qui concernent ton Fils Jésus, qui concernent ce monde et le monde à venir. Et c'est seulement dans ta parole que nous trouvons ces vérités-là. Le devoir, la presse, le quotidien, tous ces journaux, tous ces moments de nouvelles à la télévision, partout sur nos moyens de technologie aujourd'hui. Personne ne nous parle de cela. C'est ta parole seule qui le fait. Et ta parole nous parle d'une fin des temps, d'un monde nouveau qui va apparaître. Ta parole nous dit que tu vas détruire ce monde et tu vas en rebâtir un nouveau. Pour la majorité des gens de ce monde, c'est une risée. Mais pour nous, par ton Esprit Saint, c'est une vérité, c'est une conviction. Aide-nous à comprendre ce qui s'en vient dans les versets que nous allons lire, parce que nous voulons avoir une foi qui est en accord avec ce que tu dis, et non pas avec ce que les hommes enseignent ou pensent. C'est pas la science, notre Dieu, c'est toi, notre Créateur et Sauveur. Conduis-nous. Amen. Je crois que Paul, d'une façon quelconque, était repris par ces faux docteurs-là, l'accusant d'avoir une vie difficile, une vie tourmentée, dans les difficultés, dans les prisons. Lui-même va décrire sa vie au chapitre 11, 12, là, où ce qu'il va dire des choses sont utilisés contre lui. Parce que la vie que Paul a faite, il n'y a personne qui l'envie humainement parlant. Mais pourtant, lui, il persévère dans la foi. Il continue à proclamer l'Évangile parce qu'il y a des vérités qu'il connaît, que d'autres ne connaissent pas. On a vu, il a dit, à un moment donné, les légères afflictions de ce monde ne peuvent pas être comparées à la grandeur de la gloire qui va nous être accordée dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, dans la présence de Dieu. C'est comme n'importe quel malade qui accepte de se faire couper, de se faire opérer, de se faire mutiler, de se faire même enlever des membres pour soulager une douleur qui est là. Je suis prêt à souffrir un peu parce que j'ai confiance, j'espère, n'étant pas certain, que ça va amener une guérison et ma vie va être meilleure après. C'est le même principe. Les vérités que nous connaissons amenaient Paul et nous à supporter les afflictions, les difficultés de ce monde, parce que ce qui s'en vient est de loin, très loin, supérieur. Il a parlé de la résurrection. Il a parlé de ce nouveau domicile céleste, de cette habitation préparée par Dieu pour ceux qui vont mourir, non pas nus, mais vêtus. Et je crois qu'il parle ici des arts de l'esprit. Ceux qui sont déjà revêtus de cette vérité-là, qui sont déjà revêtus qui ont déjà été, si je prends le mot du verset 5, qui ont déjà été formés pour cela, nous sommes prêts à passer à cette étape-là, parce que Dieu nous a transformés, il nous a régénérés, il nous a équipés, il nous a donné le Saint-Esprit, et on est prêt à revêtir notre domicile céleste. Et il continue au verset 6, et nous allons lire jusqu'au verset 11. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Un autre texte qui a porté à beaucoup de divergences d'opinion en ce qui concerne ce tribunal de Christ. Je suis conscient que ce que je vais dire va être limité à cause du temps que nous avons, mais si vous voulez avoir plus d'explications, allez écouter une vidéo que j'ai faite qui se retrouve sur mon site sous le lien thème biblique. Okay? Thème biblique ou étude thématique. Et là, vous allez trouver qu'arrivera-t-il au tribunal de Christ? Et vous allez pouvoir avoir un peu plus de données à ce moment-là. L'apôtre Paul, ici, hier, avait dit qu'il voulait revêtir son domicile céleste. Et il continue au verset 6 en disant, « Donc, nous sommes pleins de confiance. » Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, on demeure loin du Seigneur. On sait que tant qu'on ne changera pas, tant qu'on ne va pas revêtir notre domicile céleste, nous allons demeurer loin du Seigneur. Nous ne serons pas dans sa présence immédiate. Non pas qu'on n'a pas de présence de Dieu en esprit, mais avec notre nouveau corps céleste, nous allons pouvoir être dans sa présence, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Il dit car au verset 7, car nous marchons présentement par la foi et non par la vue. Donc, pour le moment, tout se joue par la foi. Est-ce que nous croyons ce que Dieu a dit? Est-ce que nous croyons ce que les disciples ont dit? Est-ce que nous croyons ce que Jésus a enseigné? Est-ce que nous croyons ce que la Bible a dit? Que nous avons un domicile céleste que Dieu a préparé pour nous. Est-ce que nous le croyons? Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne voyons pas. Nous n'avons jamais vu le Seigneur Jésus. Nous n'avons jamais vu le Saint-Esprit. Nous n'avons jamais vu les nouveaux cieux, nouvelles terres qui sont préparés par Dieu. Nous n'avons pas vu notre domicile céleste que Dieu nous a préparé pour nous. Nous marchons par la foi, pas marchons par notre capacité de croire, mais nous marchons par le contenu de la foi. Nous restons attachés aux vérités déclaré par Dieu, par Jésus-Christ, par les prophètes. Il dit, nous sommes pleins de confiance. Encore une fois, il répète. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est un peu une répétition de ce qu'il avait dit un peu plus haut, au verset 4. Nous gémissons, nous sommes accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais revêtir notre domicile céleste. Donc, ça, c'est la vérité que Paul dit. Nous sommes pleins de confiance. Nous avons pleine foi que ce que Dieu a déclaré va arriver. Que nous avons un domicile céleste qui nous attend. Qui va nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Dans la présence du Seigneur. Donc, s'il le faut, nous allons quitter ce corps, mais nous allons rester attachés par la foi à ce que Dieu a dit. Au verset 9, il dit, « C'est pour cela, à cause de cela, à cause que nous avons un domicile céleste, c'est à cause que Dieu a préparé pour nous ces choses-là, afin qu'on puisse le servir l'autre côté, après la mort, dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. À cause de cela, nous nous efforçons de lui être agréable, soit qu'on demeure dans ce corps, ou que nous le quittions. Que nous vivions ou que nous mourons, nous nous efforçons de lui être agréable. » Le mot « efforcer » ici, des fois, va nous diriger dans une mauvaise direction. Certains traduisent en disant, c'est notre honneur, c'est notre privilège, c'est notre ambition, c'est notre désir profond. C'est pas quelque chose que on s'efforce, ça nous tente pas, on se prive là, on y va là, on traite durement notre corps puis on fait les choses qu'on devrait faire, même si ça nous tente pas. C'est pas ça que le texte veut dire ici. Parce qu'il vient juste de nous dire quelque chose de plus beau, de plus grand. Donc, il dit, à cause de cela, de ce que je viens de vous déclarer au verset 1 jusqu'au verset 5, à cause de cela, notre ambition, notre désir profond, nos efforts nous poussent à lui être agréable. Soit que nous demeurions de ce corps ou le question, ce qui me rend agréable. Ma vie chrétienne, mon obéissance au commandement, c'est tout ça qui me rend agréable au Seigneur. Nous nous lui efforçons de lui être agréable, je crois qu'il parle, nous continuons à marcher par la foi. Nous continuons à persévérer. Nous continuons à aller de l'avant et à ne pas changer la parole de Dieu. À rester attaché à l'enseignement des apôtres. C'est ça qui lui est agréable. Ce qui est agréable à Dieu, c'est pas mes efforts de faire du bien. C'est mes efforts de marcher dans la foi, de garder la foi. C'est de rester attaché à ce qu'il a dit. Je le répète, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Dieu a déclaré des choses, Jésus a déclaré des choses, les Écritures nous déclarent des vérités et nous y croyons. Pierre va dire, résistez au diable avec une foi ferme, pas en obéissant au commandement, en ayant une foi ferme. Soit que nous vivions ou que nous mourions, on continue à marcher par la foi. On lui est agréable. Il dit au verset 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. » Ici, le bien ou le mal, si je suis jugé par mes actions bonnes ou mauvaises, là vient la question de la balance dans certains mouvements religieux. Dieu va évaluer si j'ai fait du bien ou du mal. Si j'ai fait plus de bien que de mal, je vais aller au ciel ou au purgatoire. Pour certains chrétiens, c'est plus je vais faire des bonnes œuvres en tant que chrétien, plus je vais obéir au Seigneur. Et moins je vais faire de péché, plus je vais avoir une couronne plus grande, plus grosse. Je ne crois pas que c'est ça qui est en train de parler ici. Le bien ou le mal que je vais faire, le bien, c'est être avec Christ. Faire le bien, c'est se repentir, c'est se convertir au Seigneur et de croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, le bien. C'est ça qui me sauve. C'est ça qui va me donner un passe-droit, si je peux dire ainsi, au tribunal de Christ. Ici, le « nous », ici, je ne crois pas que c'est les croyants, hein, mais les hommes en général. C'est pour ça qu'il dit au verset 11, « Donc, sachant que ça va arriver, donc connaissant la crainte du Seigneur, mais ayant confiance dans le Seigneur, sachant que Dieu va faire passer tout le monde devant son tribunal, devant son jugement, nous cherchons à convaincre les hommes. » Le « nous », les hommes. En général, nous voulons les convaincre qu'il y a un jugement qui s'en vient, il y a un tribunal qui attend tout le monde, et nous allons être jugés sur le bien et le mal que nous avons fait dans notre corps. Et il dit, à cause de cela, nous cherchons à convaincre tous les hommes de cette vérité-là. Et qu'il y a un moyen d'être accepté par Dieu, d'être déclaré innocent au tribunal de Christ, d'être déclaré enfant de Dieu et de pouvoir revêtir notre corps céleste. Dieu nous connaît. Et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. L'apôtre Paul est en train de dire, Dieu sait que nous disons la vérité. Dieu sait que c'est notre but. Dieu sait que c'est vraiment ça que nous voulons faire. Dieu sait que si nous continuons dans cette direction-là, que si nous persévérons, c'est parce que nous savons qu'à la mort, qu'il y a une fin à ce monde, qu'il y a une fin à chaque individu, et que chacun va avoir à faire face au tribunal de Christ. Et chacun va devoir rendre compte du bien ou du mal qu'il a fait dans son corps. Donc, nous essayons de convaincre tous les hommes de cette vérité-là. Et Dieu nous connaît. Dieu sait que c'est ce qu'on fait. Dieu sait que c'est ce qu'on croit. Et j'espère que vous le connaissez aussi, que vous aussi, dans votre conscience, vous nous connaissez et vous savez que nous disons la vérité ici. Donc, frères et sœurs, le tribunal de Christ, ce n'est pas un moment qu'on doit avoir peur, que les chrétiens on devrait craindre. Au contraire, il faut dire comme l'apôtre Paul, nous sommes pleins de confiance. Pleins de confiance devant ce qui s'en vient. Parce que Dieu nous a préparé un domicile céleste. Dieu a mis en nous les arts de l'esprit. Et nous allons faire face au tribunal de Christ sans crainte, sans peur, dans la joie, dans la louange, dans l'adoration, à cause de ce que Christ a fait pour nous. Notre Père du ciel, nous te bénissons, nous te glorifions, que nous pouvons accepter la mort, étant fidèle dans la foi, parce que nous savons les vérités qui concernent ces moments-là, que nous avons un corps céleste qui nous attend pour vivre dans la présence de Dieu pour l'éternité. Nous savons qu'au tribunal de Christ, nous allons être déclarés justes à cause que nous avons les arts de l'esprit en nous. À cause que nous avons été formés pour cela. Et nous allons te donner toute la gloire qui te revient. Au nom de Jésus. Amen.